mes ailes, sport, injection. Avec le cœur et les couilles, gros sans pression. Que du bon sang, ouais, tu le sais, ouais, mon sang. C'est un 3, c'est 9, 4, sous tension. Parce que les temps sont durs, donc tu dans le sang. Et puis ça rafale, c'est 20 ans. Ça fait 19 ans que tu danses, ça maintenant je suis lancé. Toute la France, je fais danser. Y'a rien pour toi aujourd'hui, t'as crié les ambulanciers. Ils veulent du joule comme à l'ancienne, des pés sur l'enseigne. Des gens, ils m'ont blessé, maintenant mon cœur il enseigne. Tu peux me croiser dans les ruelles en Beverly, dans un coin en train de fumer de la bas couleur Calix. Je suis dans une villa en direct sur Beverly Hills. Mais demain, si ça pète, t'inquiète, on connaît des Gremlins. On a grandi dans la haine comme Vince. La rue a mis des potes en tol, donc surveille ton fils. A 4 dans le X6, en bande organisée. Ne pas faire le voyou, le CZ va te caresser. Je connais le CV, gros, y'a pas très de par ici. Le son est lourd, c'est un Marseillais, un Parisien. Ça fait bang bang pour des terrains de moula. Ça peut tout contrôler, ça mouraille dans ce boulard. Y'a le R, le J, prévient les gens. Sors le GTI, finit sur les gens. On sent le cosmos, énergie dans ta région. C'est un 3, c'est 9, 4, c'est dans la légende. Dans un street comme un bang bang dans les champs. Ici, ça met la cagoule pour l'argent. Flashé, photo avec le seul agent. Ouais, je veux seul agent. C'est comment? C'est comment? Comment? Comment? C'est comment? C'est comment? Comment? Comment? Wesh, ouais, Allah. 20 cales, je fais au caisse, 2 points la décaisse. Chauffé comme ton siège, 20 cars au petit-déj. Les étés, je vaillant sans la nef, c'est narine au tiafès. Suspendu comme Suarez dans Scarface. Tout le game sous pas de caisse, fumeur marseillaise. Calage barbecue et je parle pas de merguez. T'as pas de tête, t'es fait comme t'as pas de tête. J'dis qu'à fond, qu'une balance, balance steak, qu'elle pèse. C'est pour les hommes de mon espèce qui te lèvent comme un cross, même si t'es un tas de graisse. C'est pour les quiches t'as les plus épaisses. Hors la loi, comme les élus qui la transgressent. Tu peux me voir en Cadillac à Los Angeles. Gros maillot PSG, clippé dans 13. Les frérots deviennent alcooliques. Tu les verras gentils que dans une clinique. Recruté comme le Bayern de Munich. Bah, c'est pas rapide que tu communiques. Allez, casse-toi, cagoulé comme un Bastien. Doit un ballon d'or comme Messi, doit Iniesta. 700 chevaux, la gare, roule à la caraca. Mafia Pomoria, boum, chakalakala. Y'a le R, le J, prévient les gens. Sors le GTI, finit sur les gens. On sent le cosmos, énergie dans ta région. C'est un 3, c'est 9, 4, c'est dans la légende. Fais danser la street comme un bang bang dans les champs.